Gérard, l'animateur, le plus trash de la bande FM. Et celui qui est portable, arrête-en. Gérard. Et toi, je t'ai dit tout à l'heure de me poser des questions, bon. Gérard, les débats de Gérard. Fun Radio. Et voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Céline. Bonsoir Gérard. Sur le chat www.funradio.fr, donc on accueille Esteban. Esteban, donc, salut Gérard. Vous pouvez y aller, mais donc les questions, tu sais comment que ça se passe maintenant. T'inquiète pas. Et à l'aria, le plus con de la bande FM, le plus drailleur des nanas qui peut pas arrêter de piquer les nanas des copains. Gérard, ouais. Pedro, comment va Pedro? Ça vient et toi? Qu'est-ce que ça peut te foutre, t'es médecin? Ouais. Bon, bah c'est nouveau. Eh ouais. Donc, t'as fait quoi ce week-end, Gérard? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Bah t'as fait quoi? Ça te regarde pas. C'est ton public qui voudrait savoir. Non, mais mon public, il a rien à te dire. Et c'est tout. Voilà. Paniqué un peu. Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as paniqué, d'accord. Bon, c'est pas grave. Manière, je refais mon petit coucou, vite fait, bien fait. Là. On s'en fout, Gérard, la suite. Non, je vais le faire, je l'ai promis. Donc, accro et machinique du chat Fun Radio, voilà, terminé. Et bien sûr, il arrive, mais de manière, il avait le temps, donc... Thomas. On accueille Hervé qui appellera Céline durant tous les débats et qu'on retrouvera après juste mes débats avec Simon. Lucky. Lucky pour les petites annonces. Voilà. Bonsoir Gérard. Donc bonsoir à toi Hervé. Donc j'espère que ce soir l'équipe ça va bien se passer. Parce que si ça se passe mal, ça va aller vite, hein, de toute manière. Ça va bien se passer, Gérard. Donc je préfère tout de suite mettre les choses au clair que si ça se passe mal avec les auditeurs et avec l'équipe, ça ira très vite, hein. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc maintenant on va commencer le débat sur les obésités. Et donc, Pedro, si ça te dérange pas, tu peux peut-être annoncer le disque qu'on venait d'écouter. Pas du tout. Ben, si, on a dû te faire une fiche. On va te faire la fiche, on te dira après ce qu'il fallait annoncer. Non, faut l'annoncer. Ok, tout de suite. Céline, tu dois la voir. Vas-y, retrouve-la pour y filer. Bon, Gérard, enchaîne avec le débat et dis qu'il est là. Donc, on accueille Obi-Wan Kenobi de l'Étoile Black 118.5. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir, Gérard. Steam Poutre. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, tout le monde. 104.2 de Madrid. Madrid, si. En Italie, c'est ça? Bien sûr. Ok. Prends-moi bien pour un con aussi, d'accord? Madrid en Italie, hein, tout le monde connaît. Portugal. Ouais, c'est ça. Et prenez-moi pour un con, vous allez voir comment vous allez. Gérard. Vous allez gerber. Gérard. Je suis en Espagne, tu as un bon jeu espagnol. Voilà. Ouais, c'est bien. Et au pur sang, grosse dodu sur Garonne, 119.9. Tout à fait, c'est 0 pur sang. Bonsoir. Quoi, 0%, moi j'ai... 0%, ça se voit d'ailleurs. Ouais, ben, de toute manière, j'en ai rien à foutre, d'accord? Ok, bonsoir. Comment bonsoir. Salut, tout le monde. Salut. Eh, commencez pas. Parce que d'accord, il y en a déjà que je commence à reconnaître les voix. Ok? Ah. Ok, Obi-Wan Kenobi? C'est Obi-Wan Kenobi. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Attention, mais... Non, mais attends. Déjà, je vais commencer tout de suite à mettre les choses au clair. Que les 4 auditeurs qu'on a, c'est les 4 habituels. On est 3, hein. Ouais. Ils sont 3, hein. Donc ça peut pas être les habituels. Ouais, non, mais c'est 3 habituels. Donc, d'accord? Parce que le premier, c'est Tony, la deuxième, c'est une nana. Et la nana s'appelle. Mégane. Et le troisième s'appelle. Ouais. Prenez-moi pas pour des cons, d'accord? Prenez-moi pas pour des cons. Ok, on prendra pas pour des cons. Voilà. Alors, Céline, qu'est-ce qui se passe? Tu ne commences pas le débat comme ça, merci. Bah attends, on a galéré au sol. Vous allez galérer dans votre lit, vous ne passez pas dans mes débats. Au revoir. Voilà. Donc le débat reprendra d'ici 10 minutes. Non, arrête. Non, Gérard. Arrête. Là, Céline. Gérard, peut-être commence la définition d'obésité. Voilà. Gérard, donc, Gérard dans le dico, je m'en doutais. Rien qu'en entendre déjà les bonjours et rien qu'à voir les noms, ça m'a semblé bizarre. Il a raison. Ouais. Alors donc, il est hors de question d'avoir les mêmes, donc on reprend au standard ça et c'est tout. Sur ta paye, hein. La définition d'obésité par Gérard. Obésité de obèse annule, accule du grec... J'ai des... oh là, punaise, c'est quoi ce truc-là? Allez, vas-y, sur le chat, là, parce que c'est bon, voilà. G2, c'est du grec. Non, non, mais vas-y, vas-y, tu G2 le dis. G2 anus. Bah, non, mais vas-y. Et du Maroc, bah, lis-le, et du Maroc, après, c'est simple. Alors, IT, exemple, oh là, non, mais attends, mais c'est quoi, là? Non, mais c'est même pas du français. Vas-y, lis-le, parce que c'est pas du tout du français. Donc, obésité, mais écoute-moi aussi, hein. Bah ouais, mais j'écoute. De ombèse à cul, du grec, G2 anus, et du Maroc, IT, l'exemple, IT, il fait chaud. Ah ben, hein. Complexe du syndrome de Jean-Paul Bacroum qui surpasse en kilos le poids idéal du normal. Mmh. Donc exemple, pas toi, avec ma mère, j'obésitais le château de Versailles, c'est bien bio. Voilà. D'accord, bon. Eh ben apparemment, c'est vachement bien le thème de l'obésité. Ah ben c'est l'obésité. Bah grave. Ouais, ben grave de chez grave. Donc on est combien sur le site internet www. On commence mollement, hein, comme une bite molle. On démarre à 216. Bon bah ça va, c'est sur le chat, non? Ouais. C'est sur le chat, ouais. Ah ben si des fois Orly veut réagir, il y a pas de problème, on pourra répondre à ses questions, hein. Il y a pas de problème, elle me l'a dit tout à l'heure. Donc voilà. Donc ben pour l'instant on n'a pas grand chose, donc lance le téléphone déjà. Donc vous pouvez toujours nous appeler au 0825 08 5000 et pour les Belges au 033 08 5000. Ça va être bon là. Et donc sur le site internet www.funradio, donc c'est sur le chat, donc vous pouvez y aller, donc on vous attend, n'hésitez pas. Voilà. Une petite lettre. Oui. Alors on va lire d'une fan, d'une fan, il y a la photo derrière. Alors je m'appelle Karine, j'ai 29 ans, je suis blonde et je suis rasée de... Je suis ravie de te rencontrer car tu es beau et gentil, même si les beaux se trouvent cons, bêtes. Tu peux ah, oh, je sais pas comment qu'elle a écrit, mais bon. Je pense que c'est tu pu. Ouais, c'est tu pu concentré tête de bite, mes cheveux, de rencontrer 6 juin ma photo. Alors, voyons voir la photo de ce machin de truc de merde, de putain de chien de... Ouais, d'accord. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir. C'est un mec. Allez, hop, la photo poubelle terminée. Des photos comme ça, j'en veux pas. Et voilà, j'avais oublié de dire. Donc, si vous voulez m'écrire, n'hésitez pas. Vous mettez à l'intention de Gérard. Donc, 20-22 rue Bayard, dans le 8e arrondissement. Et puis, même adresse pour envoyer de l'encens aussi. Et donc, même pour... Alors, j'ai salut à toi, c'est Sophie. Je suis top modèle. Merde, je vais y arriver ce soir. Tu as la plus belle voix de la FM. La photo. La photo, c'est encore un cum. Hop, poubelle. Voilà. Eh ben, ça commence bien les débats ce soir avec des photos, du courrier con. Ben. Au standard, je peux savoir. Céline, est-ce que ça avance? On peut savoir? Ça avance. Laisse-moi un peu de temps. Il y a combien de personnes là qui sont à l'antenne? J'en ai déjà 3. 3. Bon, peut-être leur dire bonjour. On va déjà prendre ces 3 personnes. Allez, on y va. Allô. Bonjour. Allô. Wow. Allô. Présentez-vous, calmez-vous, présentez-vous chacun par un. Alors bonsoir, c'est Gradouble, j'appelle de Toulouse, 118-8, bonsoir. Bonsoir, Gradouble. Gradouble. Bon, tu vas pas commencer, sinon on va faire comme tout à l'heure. Bonsoir à vous, Gérard. Pas du tout, c'est Jabba le Hutt. Pour l'instant, je t'ai pas encore appelé Potchamp, quand je t'appellerai Potchamp, tu te sentiras le soublier, toi. Ah. Ok. Et t'attendras d'avoir les neurones bien débouchés pour que tu dises bonsoir. Donc le premier, c'est Gradouble, hein? Oui, tout à fait, c'est ça. Donc Gradouble. Ah ben c'est bon, j'ai l'affiche. Merci Céline. Alors, Jabalotte 112 de Bordeaux. Jabalotte, oui, bonsoir. Bonsoir. Gros plein de soupe de Paris 101.9. Ouais, salut GG. Gradou. Oui, Gradouble. Et Sandra 82 de Bu... Boussion sur Sedan, c'est ça? Boussion sur Sedan, 97.8. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonjour. Bon, bonsoir. Alors maintenant on va quand même attaquer le débat parce qu'on est quand même un petit peu à la bourre, mais ouais. Ça, fallait s'en douter avec... Avec les autres connards, là. Bah, ouais. Avec les auditeurs qui avaient rien à faire dans mes débats. Déjà, vous voyez, je commence déjà à plus avoir de voix. Il faut qu'ils arrêtent de squatter. Hein. Ouais. De quoi? Les auditeurs. De quoi, ça veut dire quoi, ça? Non, ça veut dire qu'il faut... Ah bon? Ok. Donc, alors, première question, pourquoi refuse-t-on à certaines personnes obèses, pourquoi refuse-t-on certaines personnes obèses dans les transports? Voilà. Alors, on va demander à Jabalotte. Eh, hey, celui qui commence. Attends, j'abalote. Je préviens tout de suite. Le premier qui commence à dire des conneries, je vous préviens que ce soir, disons maintenant, je n'ai pas l'intention de me laisser marcher sur les pieds. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Tu es le maître, Gérard. C'est d'accord. Ouais, c'est moi qui commande. Alors, faites gaffe quand même à ce que vous allez répondre à vos questions que je vous pose, d'accord ? D'accord. Alors, pourquoi refuse-t-on certaines personnes obèses dans les transports ? Donc, Jabalotte, j'étais avec toi. Oui. Alors, pour répondre à votre question, Gérard, je dirais que les transports en commun ne sont pas équipés pour recevoir... Non, je parle pas des transports en commun, ne commencez pas à me bouffer les questions. De quel sort de transport tu veux parler, Gérard ? Je vais m'expliquer après. Donc, je dirais... Alors, attention ! Oui ? Je recommence ! Ah. Le premier qui vient de dire camion, il va se prendre... Un coup de mitraillette. À la rigueur, il faudrait que vous fassiez une énumération des mots que vous voulez pas entendre. Ouais. Mais ça c'est moi qui commande. Oui, ou alors peut-être simplement les transports en question, parce que si on peut pas parler des transports en commun. Si, non, mais justement, on va en parler des transports en commun, c'est vrai, parce qu'on parle de transports, mais c'est vrai. Vous pourriez préciser. Tu permets que je réponde à Sandra ? Oui. Ça te dérange pas ? Non. Et puis d'une manière, tu prendras bien ta voix, Monsieur Mazur, d'accord ? Bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Alors Monsieur Mazur, il m'avait semblé vous avoir dit la semaine dernière que je ne voulais plus de vous dans mes débats. J'estime que c'est un débat qui est. Ouais, mais moi j'estime que c'est moi le patron. C'est moi le patron, c'est moi qui commande encore. Gérard, je crois que c'est pas le vrai Monsieur Mazur. Non, c'est pas le vrai. C'est lequel ? C'est un imposteur. Ouais, c'est un imposteur, ce n'est pas lui. J'ai voulu vous faire une blague, monsieur Gérard. Non, ouais, mais de manière, commencez pas à me les gonfler, parce que sinon, vous allez gerber. Donc, pour répondre à la question de Sandra, donc c'est vrai, on va parler des transports en commun. Mais, transports en commun, je m'explique, métro, train et... Et l'avion ? Justement, tu as dû entendre, tu as dû regarder le débat, l'émission... avec Julien Courbet, alors. Oh, bien sûr. Ah bah voilà, bah donc justement, c'est pour ça que je faisais allusion à ça. Donc, j'ai la botte. Oui. Tu vas attendre, on va laisser parler Sandra, alors. Très bien. T'es mignon. Sandra. Oui. C'est pas la peine de... De mentir. De m'envoyer des fleurs, d'accord ? Non, mais j'ai trouvé ça gentil de me laisser parler au début. Bah ouais, parce que t'es la seule femme, alors, malheureusement. Je trouve que Julien Courbet, c'est un grand homme de télé, déjà, et c'était une très belle émission qu'il a fait. Mmh. Et je crois qu'il devrait y en avoir plus sur toutes les télés. Mmh. Et on n'a pas le droit de refuser la place aux gens. Mmh. Non, mais de toute manière, attendez. Parce que, donc, t'as regardé l'émission, mais t'as pas écouté l'émission qu'il avait fait le matin même ? Sur RTL ? Ouais. Non. Ah bah c'est dommage parce que je l'ai écouté et je peux vous dire une chose que j'en suis outré. Moi j'en suis Qu'est-ce qui s'est passé ? Parler de quoi ? Non mais on va laisser finir Sandra et après vous allez poser, je vais vous répondre. Okay. Bah, c'est tout ce que je veux dire, je sais qu'il y a des compagnies qui ont voulu faire payer une grosse dame deux sièges parce qu'elle en prenait deux. Mm-hmm. Et ça, c'est pas normal. C'est inadmissible. Il y a la dignité humaine là-dedans, le respect de la personne. Hé, Jabalotte. Jabalotte. Oui. Hé, tu te calmes ou sinon je te dis au revoir. Il a rien dit, là. Non, mais moi, il se calme. Ok ? Ben, ce soir, vous allez pas me casser le débat, d'accord ? Oh, t'es énervé ce soir. Mais je vous préviens, vous allez pas me casser. Vous allez pas me casser le débat. Ok, c'est pas le but. D'accord ? Merci. C'est pas dans nos habitudes. Hein. Ben non, mais pour l'instant, moi, je vous préviens. Parce que ce débat-là. Je veux atteindre plus de 15 000 sur le net. Wow. Vous allez y arriver. Ta bouche. Tu veux le mettre. Gradou. Oui. Gradou. Non. Ah, ça suffit là. Ah, attention. Écoute, moi je trouve qu'il y a des véhicules en fait. Ça dépend du véhicule, si c'est adapté ou pas. Non mais ça, les véhicules, on va en parler. Alors, on commence. Hey, c'est une question de pour l'instant, on n'a pas parlé des véhicules, on parle des transports. Donc vous n'avez pas encore les questions et je ne tolérerai plus une personne qui posera une question avant que je la pose. Bon alors excuse-moi. Alors en ce qui concerne les transports sans véhicule, effectivement ça peut être problématique hein, quand même. Hein. Surtout s'il n'y a pas de véhicule. Gradouble. Oui. Tu me prends pour un con ou tu m'y laisses ? Bah non, c'est pas le genre de la maison, attends. Alors, je vais te dire une chose. Pourquoi ? Comme tu me prends pour un con, eh ben moi, je vais te laisser aller faire dodo. Au revoir. Bah arrête. Au revoir. Mais non, Gérard, arrête, attends. Au revoir. Au revoir. Non, mais attends. Il y a de l'abus. Non. C'est quand même moi encore qui commande, il n'est pas capable de répondre aux questions qu'on lui pose. Alors si c'est des mecs qui ne savent pas répondre aux questions, ils restent chez eux. Pas de bon terminé. Il rentre chez lui, il travaille. Il va voir si sa mère a baise. Voilà. Voilà. Gros plein de soupe. Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi. Fais gaffe à ce que tu vas dire, parce que toi, t'es sur la sellette. Non, je reste sérieux, Gérard. Gérard, je suis là. Non, je t'écoute, Gérard. Non, mais attends, tu me prends... Tu me prends pour un con, là. Oh, où tu es? Désolé, Gérard, non. Alors, Céline, s'il te plaît, tu me prends gros plein de soupe. Gérard, calme-toi un peu. Non. Vas-y, tranquillement. Gérard... On se contrôle. Oui, Gérard, je t'écoute. Vous aussi, les auditeurs, arrêtez. Gérard, pour calmer le débat, j'aimerais répondre à la question. Voilà. Pour un sens, à la botte, tu vas te taire. Très bien. Bon, on va demander un gros plat de soupe. Voilà. Qui retourne au standard. Voilà. Il va demander à Céline comment se passe, comment qu'on fait dans mes débats. Voilà, nickel. Qu'est-ce que tu récupères? Si c'est pas comment qu'on fait, eh ben, il revient pas. Vas-y, continue, enchaîne avec le débat, on donc, est là pour ça. Jabalote, pour terminer. Alors, moi, je voudrais d'abord dire que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'a dit Gradoub et Gros Plein de Soupe. Non, mais Gradoub, je l'ai viré. Gros Plein de Soupe, il a... Vous avez bien fait. Attends, Jabalote. Oui. Gros Plein de Soupe, il a même pas répondu parce qu'il m'a demandé de lui répéter la question. Et donc, il y a que Sandra maintenant. Voilà. Et moi, Jabalote. Je dirais, moi, que les transports ne sont pas faits pour accueillir des personnes volubiles. Et donc, j'aimerais lancer un appel à l'administration, justement, pour faire des efforts pour ces personnes-là qui méritent, comme tout le monde, d'être véhiculées, d'aller au boulot et de ne pas souffrir de leur handicap. Mais donc, apparemment, donc, tu reviens pas sur ce que disait Sandra. Je reviens, je la rejoins. Sandra, t'es toujours là ? Oui, bien sûr. Je vous rejoins, Sandra. Il faut bien se dire une chose. Que l'émission, moi, j'ai pas pu la voir, malheureusement, parce que là où je suis, j'ai pas de... Oh, c'est ballot. J'ai pas la télé, malheureusement. Mais j'ai écouté vaguement ce qui s'était passé le matin. Et, attendez, avant que je continue, Mayonnaise. Oui, bonsoir. 117.7 Quimper. Bonsoir, c'est Mayonnaise. Bonsoir tout le monde. Donc, t'as entendu la question ? Sur les problèmes des transports, je crois. Voilà. Enfin quand même des auditeurs qui arrivent à comprendre les questions que je pose. Ah, c'est rare, Il vivait sur un brancard. Est-ce que je dois y répondre tout de suite? Oui, parce que je voudrais quand même répondre après, moi. Moi, je suis de votre avis, monsieur Gérard. J'ai effectivement suivi les émissions qu'il y a pu avoir sur les diverses chaînes de télévision. Il y a eu que sur la première, malheureusement. Il y a eu aussi monsieur Jean-Luc Delarue. Hein. Je sais pas il si éjaculait vous avez sur les infirmiers. Un petit peu l'actualité de l'obésité, mais de la rue aussi. Ouais, hein. Mais avec de la rue, ça remonte assez loin, ça. Hein, je l'ai vu, ça, mais ça remonte assez loin, hein, tout ça. Hein. Et effectivement, je cautionne effectivement ce que vous dites. Mmh. Au niveau des transports, il y a effectivement un problème. Hein. Effectivement, on ne peut pas demander à une personne de payer un surplus, une surtaxe en fonction de son poids. Il se faisait que devant le Big Bill. Non, mais ce qu'il y a, mayonnaise. Ça se fait pour les bagages. Non. De là comparer une personne obèse à un excédent de bagages, je ne pense pas que... Non, attendez, parce que là, je réponds quand même à la question à Sandra, parce que là, apparemment, mayonnaise, je veux dire, oui. Apparemment, tu t'en vas un peu loin, là. Ce qui s'est passé. Et ça, Sandra pourra me le confirmer après si elle veut. Ouais. C'est que, d'après ce que j'ai entendu dire, moi, parce qu'ils en ont parlé, c'est que la personne a carrément été refusée de monter dans l'avion malgré qu'elle avait son billet d'avion dans les mains. Elle a été refusée. C'est non responsable. C'est vrai, Sandra, ou pas? Ouais, c'est dégueulasse. Moi, ça m'a dégoûté de prendre l'avion. Et je peux vous dire que ça a été dit le matin même sur l'antenne. Et même moi, j'ai été outré d'entendre ça. Bon, c'est indécent, hein. Il y a Tuffer qui a une question. Hmm, et il demande s'il peut la poser. Ben, si c'est une question par rapport à l'obésité, oui. Si c'est une question qui a pas le rapport avec certaines personnes, il n'y a pas de problème. Ils peuvent poser les questions. Ici. D'accord, donc il va la poser plus tard. Samedi. Oh. Je sens que tout à l'heure, ça va encore mal se terminer. Bon, qui a dit ça? C'est pas bien. Il y met que des grosses. Alors, Je m'en doutais. Du calme, Gérard. Je m'en doutais à chaque fois qu'il y a des débats comme ça. Oui. Je sais qu'à chaque fois c'est pareil, on me balance des conneries. Et ça, je commence. Ta gueule! Arrête. Du calme, Gérard. Il avait deux passions, les hôpitaux et la sodomie. S'il vous plaît, arrêtez. Bon, passion. Voilà, je les ai coupés deux secondes. Calme-toi, Gérard. Les auditeurs, calmez-vous. Céline, occupe-toi d'eux. Non, c'est pas les auditeurs, c'est quelqu'un d'autre. Ah bon, c'est qui? C'est quelqu'un d'autre quelque part qui s'amuse à balancer des sons. Ah bon? Alors ça, il y en a ras-le-bol. C'est simple, on est à la première question. Il est à peine 1h du matin. Ça va aller vite. Je le sens que ça va aller très vite ce soir. Mais non, ça va pas aller vite. Calme-toi, c'est... Gérard, on va les calmer au standard. Donc, non. Reviens non, à ta question. Non, il me faut les auditeurs, on est. Ils sont là. Donc, pour en finir avec ce qu'on disait... Il y avait quand même Nathalie Pellono et quand même quelqu'un d'un service public, d'un hôpital, qui était là pour dire quand même ce qu'elle avait à dire. T'es d'accord avec moi, Sandra ? Comment tu l'as appelée ? Nathalie Pellono. Ben, je crois pas. Celle qui était avec Julien Courbet jeudi ? Ouais, je crois pas qu'elle s'appelait comme ça. C'est Nathalie Fellationo. Voilà. Ah, ouais, oui. Mais de manière, on s'en fout. De manière, aujourd'hui, ils l'ont appelé Pitching Ball. Alors, on l'appellera Pitching Ball et puis c'est tout. Allez, hop. Donc voilà. Il y a OVNI 7 qui pose une question. Et, toi qui as l'habitude des grosses, Gérard, est-ce qu'elles font le poids au lit ? Alors, cette question-là. Ils montaient sur moi, c'est tout. Et ta mère a monté sur ton père ? Il avait les chicots de Félicien. Un vrai pied jaloux. Bon. Non, Gérard, du calme. Non. J'ai bien l'impression que ça se passe bien. Gérard, ça mal se terminer. Le débat est super, alors, Gérard. Pour répondre. Voilà. Pour répondre à sa question. D'accord. Donc, c'est l'histoire des grosses dans le plumard, c'est ça? Exactement. Donc, si elle aime bien coucher avec un mec, avec un maigre, c'est son problème. Ce n'est pas le mien. Moi, ce qui est de question de coucher avec une grosse, j'ai eu ma douleur. T'as eu ta dose, ouais. Donc c'est bon maintenant. Point final. Barre. Donc en fait, t'as déjà couché avec un homme. Non, avec une femme, pas avec un homme. Ah pardon, excuse-moi. Eh, faut pas confondre la main de ma sœur dans la culotte d'un zouave. Ouais. Et encore, je suis poli parce qu'il y a des hommes qui écoutent. Ah, bravo. Il y a quand même Kadok qui écoute, je sais pas quel âge qu'il a le pauvre, alors faudrait que je sois poli qu'on m'a demandé. Donc voilà, donc on a fait le point sur la première. En dessous d'un quintal, ça l'excite pas, Gérard. Comment ? Tu disais en dessous d'un quintal, ça doit pas t'exciter. Tu peux préciser là ce que tu dis là ? Je veux dire des filles au-dessous d'un quintal. C'est-à-dire ? Ça doit pas t'exciter. C'est-à-dire au-dessous d'un quintal. Un quintal, ça fait 50 kilos. À peu près, à peu près. Hein. Attendez, déjà, je fais 50 kilos. Ouais. Alors, faut quand même pas confondre la main de ma sœur dans un cul d'un zouave et tentacule et encule ta sœur, toi. Ah, quand même. Pas le rapport. J'ai déjà donné, alors c'est bon. Moi, plus de 50 kilos, j'en veux pas, hein, grave. Monsieur Gérard. Oui, c'est qui ? Vous, c'est Mayonnaise. Vous préféreriez une fille un peu trop maigre ou une fille un peu trop grosse, vous deux ? Moi, je cherche, de toute manière, c'est pas le thème du débat. Oui. Le thème du débat, c'est l'obésité. J'ai toujours dit que je recherche une personne de mon poids. Terminé, on arrête sur ça. Ok, clair, net, précis. Donc 50 kilos, quoi, à peu près. Voilà. D'accord. Alors, combien pèse environ une personne obèse ? Jalabot. Alors ça peut varier énormément, ça peut aller, vous considérez obèse à partir de combien de kilos vous, monsieur Gérard ? 70. 70 kilos ? Alors à partir de 70 kilos, c'est vrai que c'est énormément obèse, mais pour moi... Jalabot ! Oui ? Mais gaffe à ce que tu dis comme non ! Ah non, mais c'est pas parce moi. Parce que tout à l'heure, tu vas te prendre un coup de mitraillette. On parle de poids, là. Oui. 110 kilos. Vous me posez la question sur le poids, je vais essayer de vous répondre. 110 kilos, pas 110 kilos. Ah, oui, parce que ça va de 90, donc jusqu'à plus soif, hein, jusqu'à plus manger. Hein, c'est-à-dire 110, 120, 130. Ah, ça est haut. Oui. Qui c'est qui commande, là ? C'est vous. Oh là. Bon, mayonnaise. Effectivement, là, je pense qu'on atteint des poids considérables. Ça peut monter très haut, hein. Ça peut monter à 200 voire 210 kilos quand même. Hein. Ah ? Ça peut monter, il y a des gens qui peuvent. T'as déjà vu une personne qui faisait 210 kilos, toi ? Bah ouais, et là je veux dire que ça fait quand même un morceau, hein. Je sais pas si t'imagines. Ça fait attends, des gens imposants. Attends, quand même. 210 kilos, non mais attends, tu te rends compte de la personne ? Attends, déjà une c'est pas mal, mais t'imagines deux, ça fait un bestiaire. Non mais attends, Attends, tu te rends compte de... Non mais attends, tu te rends compte de ce que tu dis là? Bah oui, je sais, mais c'est énorme. On est dans l'excès là. Attention, on est dans l'excès. Hein. Rigoles, 210 kilos. Consultez le livre des records. Mayonnaise. Attends, là je suis pas d'accord avec toi. Mais ça va jusqu'à 250 ou 180 kilos. Hein. Bah non, mais pourquoi pas 500 kilos si tant que tu y es, toi, Sandra. N'exagère pas, mais t'as pas regardé l'émission, tu peux pas savoir. Non mais attends. C'est parce que, attends, Gérard, c'est parce que ces gens-là, tu les vois pas dans la rue. Non mais attends, j'en croise quand même quand je viens à la radio. J'en croise régulièrement là où que je suis. Attendez, 210 kilos, non mais attends, tu vois le morceau que c'est? Bah ouais, c'est énorme. Bon, attends, déjà pour prendre l'avion, c'est même pas la peine. Ça dépend si tu fais 1m60 ou si c'est un mec qui fait 2m10. Hein. Bah ouais, c'est ouais sûr. Non, mais attends, déjà, moi je fais 1m70 pour 50 kilos, non, laisse tomber. Le beau gosse, c'est bien proportionné. Ouais, de quoi, Sandra? T'es pas un exemple, t'es pas obèse. Justement, on a une question de Gérard Mandebulo qui demande, Gérard, peut-on dire que 50 kilos de conneries, c'est de l'obésité? Non, c'est pas de la connerie. Puis lui, c'est 50 kilos de payer le chat Open Radio. Okay. Et ben, il peut continuer parce que maman va débourser. Qu'est-ce qui vous arrive là-bas, là? Non, ils étaient morts de rire. Qu'est-ce qui t'arrive, Céline, là? T'as fait une bonne blague à la MR. Ah ouais. Donc, Sandra, pour terminer. Ouais. Ah bah, ça y est, je crois que tout le monde a fait le tour de la question. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour des grosses, là. Alors, en même temps, faire le tour de 210 kilos, ça prend du temps. Parce que moi, j'avais entendu des gens sur, lors de l'émission. Ouais. Bon, c'était entre 150, 140, voire, 160 au plus. Mais j'ai pas eu l'occasion d'entendre 210 kilos, quand mais, même. Mais Gérard. Ouais, ouais. Attendez, qui c'est? C'est Diabalot. Attends. Une question de Carlos Amoal qui demande, est-ce que si on est obèse sans capote, c'est risqué? Mais je vois pas le rapport, qu'est-ce qui va me faire chier? Ce mec! Je vais prendre le truc de Jean-Pierre Coffre, qu'est-ce qui vient me faire chier celui-là? Mais les gros, c'est de la merde. S'il a envie de baiser sans capote avec 210 kilos, c'est son problème! Mais qui vient ne pas me casser les couilles dans mon débat! Ok, Dimitri. Le conférent sur Fun Radio. Bien. Ok, limitateur. Voilà! Bon, Gérard, oui. Gérard, c'est mayonnaise. Non, j'ai la botte, il voulait pas. Ah oui, pardon, oui, excusez-moi. Oui, j'aimerais savoir, Gérard, comment ça se passe pour ces gens-là? Comment ça se passe quotidiennement, quoi, pour aller faire les courses? Je sais pas, moi, j'ai jamais eu l'occasion de voir des personnes comme ça. Mais je sais pas comment qu'elles arrivent pour faire leurs courses. Hein. Est-ce qu'elles sont équipées, je veux dire, parce que ça doit être dur de se trimballer toute cette barbaque. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'ils ont des caddies spéciaux? Ben ça, comme je dis à Jalabot et puis à Mayonnaise et puis à comme je vous dis, je ne sais pas parce que j'ai pas l'occasion d'en voir, moi. Vous, Monsieur Gérard, enfin toi, si je peux vous tutoyer, n'est-ce pas ? C'est Mayonnaise, hein. Oui. Est-ce que je peux vous tutoyer ? Oui. Oui, de toute manière, je vous tutoie, alors allez-y. D'accord. Toi, ton seuil de tolérance, ton poids maximum au niveau d'une fille, ça montrait à peu près jusqu'à combien ? Parce qu'on a une petite marge de tolérance, quand même. Mais je viens de le dire, là, depuis tout à l'heure, t'as pas entendu ? T'as dit 50 kilos, mais est-ce que c'est entre 50 et 100 kilos ? Non, 100 kilos, laisse tomber, c'est bon, je me fais... Est-ce que tu te sens prêt, toi, à assumer une femme forte ? Non, j'ai donné, hein. Ouais, c'est du travail. Ah non, mais même, laisse tomber, j'en ai connu une, elle s'appelait Christine. Ouais. Laisse tomber, sans vous mentir. Ouais. Elle pesait combien? Allez, combien? Sans vous mentir, elle faisait 120 kilos, et Max, il l'a vu à Neuilly. Ouais, bah ouais. Laissez tomber. Merci, j'ai donné. Maintenant, je me cherche entre 50 et 60, pas plus. Ça me suffira. Mais t'imagines, elle tombe dans l'escalier. Attendez, pas tous en même temps. C'est Mayonnaise. Ouais. Au niveau du... Mayonnaise. Oui. Il y a quand même une fille, faudrait peut-être la laisser parler. Toi qui as vécu un petit peu apparemment le cas, comment ça se manie au niveau du lit quand ça fait 120 kilos? Je veux dire, comment tu manœuvres? Est-ce qu'il faut un truc, un tractopelle? Là, je vais te dire une chose. Non. Là, je peux vous dire une chose, que j'ai été forcé de rehausser le plumard, ouais, avec deux matelas. Ouais. Parce que le lit commençait à faire du bateau. Mais ça y est, c'est tout terminé. Attendez, est-ce que c'est pas un peu dangereux pour la santé, éventuellement, pour le dos? Pour moi, oui. Pour moi, oui, ça a été dangereux. Hein. Ah, c'était dangereux. Et quand t'étais en dessous? Ah bah, surtout quand elle était sur moi, laisse tomber. Ah ouais, je commence à m'étouffer. Hein. Ça te faisait pas jouir. Ah non, ça me faisait pas jouir du tout. Qu'est-ce que l'obésité? On va faire une pause musicale là et je donne des sondages. Qu'est-ce que l'obésité? Alors 92% pensent que c'est le jeu de société de Ronald. Hein, de Ronald. McDonald. Ben non, mais moi, c'est ce que j'ai. 72% pensent que c'est un phénomène typique américain. 52% pensent que c'est la marque de vêtements, donc je citerai pas le nom de la personne parce que c'est un chanteur. 22% pensent que c'est une maladie héréditaire, bah ça m'étonnerait. Dans ton cul. Et ta mère. Il s'auto-sucait. Et 7% pensent que c'est ressembler à machin, donc je citerai pas les noms. Tant que j'y suis, je vais continuer. C'est un dessin animé, le dernier, Gérard. Ouais, non, mais c'est même, Donald Duck ou un truc comme ça, non? C'est Moby Dick. Alors, c'est célébrité. Quel est le genre de personne à être le plus prospice à l'ov... Hein, quoi? Le plus prépuce à l'ovulation. Prépuce à l'obésité. Prépuce. Donc 80% des surnériens. Et bon, Gérard. Surmérien, 71% les neurologues, 51% les gérontolophiles, 31% les chiropracteurs. Oh Laurent, putain, fois qu'on fait des débats. Mais c'est bien pour ton parogouille. C'est bien pour ton vocabulaire, c'est bien, ça te fait travailler un peu, c'est pas plus mal. 10% les tripotes. Celui qui vient de me dire ça, je lui dis au revoir, j'ai la botte. Au revoir! C'est pas moi, monsieur Gérard. Je veux pas le savoir! Voilà, comme ça va plus vite. Et 11%, les onologues, voilà. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, on va y a poser Bubu la question. Il y a juste Bubu qui demande combien tu pèses sans tes kystes. Putain! Bon, Gérard, du calme, Gérard. Gérard, un point sur le net, on est 5555. Voilà. Alors, 5555. Alors, je réponds à la question de l'internaute. Bubu. Ça fait 50 fois que je lui dis que je fais 50 kilos. Kyste ou pas, j'ai plus de kyste. Alors lui, s'il a des kystes aux couilles, qu'il aille se les faire couper. Voilà. Alors, un taxi. Bravo. Voilà. Bravo, un taxi a-t-il le droit de refuser? Merci les auditeurs de me laisser parler. Je pose la troisième question et je crois qu'on va pas finir à deux. Si, on va. Tu as posé ta question, Gérard. On va finir à 2 heures. Un taxi a-t-il le droit de refuser une personne obèse? Et on va s'écouter 1m63, 62 kilos de surimier. On se retrouve tout de suite après au 0825-08-5000. Ce soir, les débats du Gérard. Tu te foudrais pas de ma gueule ou tu prendrais pas le train là? L'émission la plus barrée de la bande FM sur Fun Radio. Et voilà, rebonsoir à tous. Donc je rectifie, c'est Céline qui me l'a dit et j'avais pas vu. C'était 1m63, 162 kilos, voilà, de surimier. Donc vous pouvez toujours nous appeler, pardon, vous pouvez toujours nous appeler au 0825-08-5000. Donc Céline et Hervé qui sont standards. Pour les Belges, 0-33-08-0825-08-5000. Céline, si ça te dérange pas, tu peux prendre des appels au lieu de dormir sur le... Laisse-la faire sa sieste, c'est bon. Sur le bureau. C'est pas grave. Et donc, sur le chat www.funradio.fr, donc vous pouvez toujours y aller. Il y a... Esteban qui est, donc voilà. Donc, avec une petite question de Carlos Samuel qui demande, est-ce qu'une prostituée obèse peut l'hyposucer? Alors, je réponds tout de suite qu'il y a des prostituées qui sont obèses, et ça c'est vrai, et malheureusement, on peut rien y faire là-dessus. Bon, hyposucer, je pense pas, non. Okay. Donc, voilà, donc j'espère que... On est combien là maintenant, après la pause? 7111. Ah, 7111, ah, bah, c'est bien. Donc, j'espère que on va atteindre les 15 000 comme j'avais demandé, mais je pense que ça sera pesable. Apparemment, sur le chat, ça a l'air de bien se passer. J'ai vu qu'il y avait du monde, il y a même quelqu'un que je connais que je reverrai tout à l'heure, donc voilà. Donc Hervé, Céline, Pedro toujours à l'arrière, donc voilà. Donc la question c'est, un taxi a-t-il le droit de refuser une personne qui est obèse? Et on va demander ça à Yann Sodo de de Tatouane. Tatouane 115, bonsoir. Bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe, bonsoir Pedro, bonsoir Stéphane. Et donc, on a toujours... Bonsoir Hervé. Salut Yann Sado. Bonsoir. On a toujours... Bonsoir. Ça y est, Ça y est. Bon week-end. Yann. Tu fais des beaux chants. Bonsoir. Oh Yann. Oui. On se calme. D'accord, c'est moi qui commande encore. C'est très dur de vous avoir, Gérard. Eh ben c'est bien. Eh ben c'est bien. Il y a d'autres personnes. Oui. Il y a d'autres personnes qui essayent. D'ailleurs, je voulais dire, si vous me le permettez, aux personnes qui essayent de passer dans les débats, qu'il faut insister. Ouais. Ça fait une demi-heure que j'essaye. Oui, mais de manière, vous avez une voix qui est très charmante, c'est celle de Céline. Alors, n'hésitez pas d'appeler. C'est vrai qu'elle est charmante. Il y a Hervé. Et Hervé aussi. Voilà. Hervé est charmante aussi. Oui, je suis très charmante, merci. Putain, c'est vraiment des charmes, hein, ce soir. Donc, on a Jabolotte, on a Mayonnaise et Sandra. Donc, la question, un taxi a-t-il le droit de refuser une personne obèse? Et j'étais en train de demander à Yann Sodo. Oui, les taxis doivent prendre tout ce qui se présente, hein, que ce soit obèse, maigre, tout ce qui passe. Hein, parce que, dans ce cas-là. Oui. Je m'excuse de te couper, Sandra va revenir, va tout de suite réagir derrière toi. Oui. Donc pourquoi que dans les avions les personnes ont été refusées? Parce que mais attends Sandra, je demande à Yann parce qu'il n'était pas là lors de la première question. Ouais, c'est ça qui me laisse perplexe parce que les avions normalement quand on paye sa place déjà que c'est très très cher une place d'avion, je comprends pas qu'ils soient refusés, refoulés comme ça. Dans ces cas-là, donc toi tu dis que dans un taxi ils ont le droit, mais alors moi je te rends pas là-bas. Hein, j'ai dit qu'ils avaient pas le droit dans les taxis. Mais alors dans ce cas-là. C'est des clients comme à part entière quoi. C'est des clients. Mais c'est des clients comme nous. Ouais, exactement. Donc pourquoi? C'est pour ça que je pose la question. Un taxi a-t-il le droit de refuser? Non, dépend du taxi. Pourquoi? Mayonnaise, oui. Ça dépend du taxi, regarde. Si, pourquoi? Si c'est un gros monospace, la personne, elle a de la place, elle peut s'installer. Je sais que le cas est rare, mais imagine le taxi, c'est une Twingo. Mayonnaise. Oui, pas de marque, ah oui, pardon. Merci. Imagine, c'est une toute petite voiture. De merde. Alors imagine comment la personne, elle va arriver à se charger dans la Twingo. Mayonnaise. Attends, tu permets? C'est difficile de donner un exemple. Je te signale une chose. Oui. Je t'entends encore une fois. Si t'es une marque, tu sais ce qui va t'arriver. Je vais retourner au standard. Non, tu vas retourner chez toi. Ah, tu vas faire Punto. D'accord. Tu vas le faire bon. Ok. On l'ignore. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite encore. Encore Sandra. Ouais. Eh ben en fait, pour répondre à ta question, c'est parce que les sièges d'avion sont pas assez larges. Non. Ouvrez des Heineken avec son anus. Ah, pas dit. Mais si, c'est vrai, hein, les sièges d'avion sont pas assez Comment larges. Comment tu sais ça d'abord? T'as déjà pris l'avion pour aller. Je le fais. Mais non, mais c'est parce que ça se sait, c'est tout. Non, mais. T'as déjà pris l'avion pour aller à New York. Je l'ai pris pour aller à New York, je l'ai pris pour aller à Cannes. Eh ben t'as vu que les sièges sont pas larges, à moins que tu sois allé en première. Ah non. Non. Dans la soute à bagages. Ouais, c'est ça. Alors, mayonnaise. Avec les animaux. Bah, attention. Il est hors de voie, là, voyons. Attention, parce que j'ai pas l'intention. Il reste à peine trois quarts d'heure d'émission de débat, alors attention. Bah oui. Sentez le chien. Ah. Donc, alors, Sandra, donc, pour toi, un taxi, donc, il a le droit ou il a pas le droit? Évidemment qu'il a pas le droit de refuser quelqu'un. Donc, ça revient presque à la première question. Donc, pourquoi que les avions, certaines compagnies refusent? En fin de compte, on veut pas citer de marque, mais moi je vais pas me gêner de le dire parce que peux me permettre. De manière, même le CSA, de toute manière, ils diront rien. Je peux me permettre, je peux vous dire une chose, que la compagnie qui a fait ça, c'est Air France. McDonald's. Alors, mayonnaise, au revoir. Au revoir. Mayonnaise, au revoir. Oui, c'est pas cher, Géant, Casino. Désolé. Donc voilà, alors j'ai la botte pour finir avec cette question. Non, je pense que déjà. Il a été viré. Il a été viré, Jabalot. Non, c'est pas Jabalot qu'on vient de virer, c'est Mayonnaise. Non, mais tu as viré Jabalot tout à l'heure, Gérard. Il reste gros plein de soupe. Rover. Oh non, non. Bonjour, Gérard. J'ai compris les règles. Il est revenu, lui. J'ai tué le maître, Gérard. Il est revenu, gros plat de soupe, depuis tout à l'heure. Oui, je l'ai briefé, Gérard, il n'y a aucun problème. Il est briefé depuis... Là, je suis prêt, là. Il est briefé déjà à la troisième question. Il est prêt mais toi. Mais ma parole, les neurones, faut te les laver, mon grand, hein. Il est cadeau, Gérard, j'ai compris les règles, là. Là, c'est OK. Il jouillait dans son cul. Il aime la bite. Il ravalait son sperme. Gamin. Bon, alors, gros plein de soupe, on y va, parce que je vais pas m'endormir sur... Approche les micros, Gérard. Pose-moi ta question. Alors, allez, hop, Non, Gérard, il est prêt. Gérard, calme-toi. Gérard, calme-toi. Gros plein de soupe. Au revoir. Gérard, s'il te plaît, garde-le. Non. Attends. Ce qui vient de se passer. Non. Mais calme-toi, ça sert à rien. J'ai dit grand plein de soupe, au revoir. Je demandais qu'il réfléchisse aux questions. J'ai pas demandé. Tu peux me répéter la question donc voilà. Gérard, écoute-moi. Gérard, t'as raison. Bon, deux secondes. Gérard, on va le rebriefer au standard. Non, allez, hop, terminé, il va participer au débat si j'ai envie. Donc il est bon, il reste au standard. C'est bon, il peut repasser dans deux minutes. Non, il reste au standard, terminé. Alors on y retourne. Allez, Gérard, la question. Hein. Y a-t-il plus de personnes obèses en France ou à New York? On va demander à Yann. Tu veux que tu leur poses la question? C'est vrai. Justement, on en a parlé tout à l'heure. Un peu à chier tes questions quand même. Moi, je trouve pas. Je suis vachement déçue parce que j'ai attendu plein de temps au standard au téléphone et puis pour tomber sur un débat aussi pourri. Moi, je veux dire, c'est de merde. Alors Sandra, au revoir, bonne nuit. Mais non, mais console là. Non, allez hop, terminé. Allez, hop, vous me virez tout ça. Ah, sois cool quand même avec les auditeurs. Tout à l'heure, pleure. Attends, du respect. Essaye d'avoir du respect. Moi, je pense à ma mère qui fait du tricot. Pense à les couper toi aussi de temps en temps. Putain. Mais non, mais quand même, j'entends pas. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Pourquoi tu t'énerves? Putain, mais c'est quoi ce mais c'est bien, toi! Putain, mais l'autre espèce de poufiasse, là, qui se met à chialer parce qu'il a un poireau depuis je sais pas mais combien attends, de temps. Mais attends, mais les questions, elle non, a qu'à les faire, merde, Gérard, fait chier, celle-là. Tu sais le nombre d'auditeurs que tu fais? J'en fais, là, on est non, mais sur Internet, c'est quoi? On est à 9000, non? On en est où, là? On est à 9552,538. 9552. Et sur, on fait plus de 8 ou 10 millions de... Attends, mais les gens, ils crèvent d'envie de te parler. Ouais, de toute manière, ils ont qu'à les prendre, là, au standard, au lieu de dormir aussi. Non, mais c'est des fans. Pardon, t'es gentil, on dort pas, on en prend. Hein. Non, mais j'en connais une, là. C'est mesquin. C'est méchant. Oh. Bon Gérard, on va peut-être reprendre le débat. Tu vas reposer ta question. Gérard. D'accord. Je vais pas dans un zoo, d'accord, Céline. Non, TV. Bon, alors, Gérard. Sur les grimaces, c'est dans un zoo. Si tu vas aller dans un zoo. Je t'imite, Gérard. Ouais, non, mais tu vas dans le bureau en face. Je t'imite. Ouais, tu vas voir avec Evan si tu m'imites. Bon Gérard, on peut y retourner. Donc Sandra. Sandra une fois, Sandra deux fois. Non, elle est au standard, c'est pour ça. Elle est partie, Sandra. Tu l'as fait pleurer, elle veut plus de toi. Tant mieux. Ah bah comme ça, ça. Ah bah. T'es un beau salaud, hein. Et toi, t'es bien une pute. Eh oh. Ah non, ça c'est moi, c'est moi. Eh oh, pas de nom de famille. Toi, t'es bien une pute pour piquer les nanas des autres, d'accord? Donc question sur vos gueules derrière, merci. Alors on a une question de Noël, 45 ans, de divorcé, 5 enfants. Non, on en a rien à foutre, c'est pas un débat. Mais il demande s'il faut prendre des cours d'apnée pour faire un cunnilingus à une femme obèse. Quoi? S'il faut prendre des cours d'apnée pour faire un cunnilingus à une femme obèse. Tu sais ce que c'est l'apnée? C'est arrêter de respirer. Moi, je suis bon. Tu fais un débat sur les obèses et tu sais pas faire des cunnilingus obèses. T'es sorti avec une grosse, tu lui as bouffé la chatte. Mais attends, mais tu me parles de quoi là? De tes ex. Je plonge dans leur cul avec un tuba et des palmes. Ah bah toi, tout à l'heure, allez, au revoir. Vous me faites chier. Oh non, arrête. Vous me faites chier, vous me reprenez des autres personnes au standard. Allez, hop, terminé. Mais non, Gérard. Si. Eh, Gérard, en qui? Répondre aux questions, Gérard. En qui sur la question? Non, c'est qui là qui a? Non, mais j'ai pas la liste, alors... Gérard, il y a trois nouvelles personnes. Il y a Fist Burger, qui vient de Brooklyn, 116.6. Ensuite, il y a Wet Watcher de Rennes. Je sais lire encore. Pas sûr. Et ta mère, elle sait lire, toi? Allô, Gérard? Allô, Gérard? Oui, ma mère, elle sait lire. Mais c'est pas à toi que je m'adresse. Mais mieux que toi. Gérard. Alors, Fist Burger. Fist Burger. De Brooklyn. Brooklyn. Ouais, Brooklyn, Gérard, vas-y. 116.6. What Watcher? Salut, bonsoir. De Rennes. Bonsoir tout le monde. Et Bite et Boule. De salut, Gérard. Rennes. Ta fréquence, connard. 114.8. Enculé. 114.8, GG. Et le procès, tu me dis enculé, il va aller enculer sa mère. Faut pas te dire d'enculé. Oh là là. Oh là là, calmez-vous. Parce que là, attendez, il a un truc à côté de lui, il va me l'envoyer dans la gueule. Alors arrêtez. Gérard, j'ai une question. Gérard, j'ai une question. Vas-y. C'est comment ton nom? Moi, c'est Billy Boule. Gérard, moi, je suis anorexique. Est-ce que je dois grossir pour aller en Grèce? Billy Boule. Oui, Gérard. Billy Boule. Oui, Gérard. T'es vraiment con. Il faisait des vagues. Mais con, plus con que toi, je meurs. Alors, je te dis... Oh, mais non, il vient d'arriver, dis Gérard. Dis pas ça, dis pas ça. Ah, Gérard, s'il te plaît. Mais non, il vient d'arriver. Non. Gérard, sérieusement, s'il te plaît, il est intéressant. Non, mais attends. Il est bien. Ouais, mais attends, c'est pas toi qui commande encore. La question, voilà. Y a-t-il plus de personnes obèses en France ou à New York? On va demander à... Voilà. Tiens, Billy Boule. Comme par hasard. Oh! Oui, Billy Boule. Une fois, deux fois. Il est là, Gérard. Il y en a plus à New York. Eh, les zorones, c'est comme le cul, ça se lave. Tu dis ça parce que je suis homosexuel du cul, Gérard? Non, mais je crois que tu dois être homosexuel des oreilles. Ah, parce que là, tu commences à me gonfler. Sérieusement. Tu mets ta petite bite dans mon oreille. Allez, hop, dégage. Hop, au revoir. Allez, hop. Voilà. Comme ça va plus vite, il comprendra tout de suite les questions. Boîte voiture. Ouais, ben écoute, moi je crois que c'est à New York. Hein, parce que à New York, il y a plus d'Américains qu'en France. Yeah. New York, en principe, il y a des Américains. Bah ouais, c'est pour ça qu'il y a plus d'Américains qu'en France. Et comme les Américains, ils sont plus gros que les Français, bah il y en a plus à New York. Ce qu'il faut se dire, c'est que là-bas, faut voir aussi ce qu'ils mangent. Hein. C'est pas comme nous en France. Hein. C'est clair. Fist burger, bah justement, tu vois, ils bouffent des trucs bien gras. Ils bouffent des chips, des trucs comme ça, alors que nous, on a une nourriture saine. Non, des chips, ça m'étonnerait parce que. Attends, moi j'y étais, donc je peux te dire que des chips, j'en ai pas mangé. Hein. Si, ou tu manges du pot de corne, ou quand tu es au cinéma, tu manges du pot de corne. Ouais, à l'arrière, ouais. Ouais, mais dans les salles. Ouais, c'est vrai, dans les salles de cinéma, ouais. Bah ouais, alors que nous en France, on mange des trucs. Trololo 101.9. Ah bah alors. Oui, bonjour Gérard. Ouais, prends ta. Putain, mais. Attendez. Je préviens tout de suite. Pas de ségrégation, Gérard. Je préviens tout de suite au standard. On prend les voix débiles aussi, hein, c'est bon, vas-y. Gérard, je suis homosexuel, je viens de Paris et je m'appelle Gourlolo, donc. Waouh. C'est Bully Bill. Salut Bully Bill. J'aime bien les boules. C'est la copine Hervé. J'aime bien les billes. Ah, non, pas les billes. Les boules. Alors, Boule et Bill. On est 9114. 5 minutes. Gérard, Boule et Bill, tu l'as déjà viré. Non. Alors, Boule et Bill vient de revenir. Non, il est parti, c'est envolé, là. Gros Lolo, tu vas faire une chose. Tu viens de dire un truc qui me plaît pas. Tu viens d'insulter une personne du standard. Donc, tu vas retourner la voir. Et elle va te dire au revoir. Tu te démerdes. Voilà. J'ai pas entendu. La tête. Manque de peau. Possible de faire un débat. Tu l'es pas. Alors, gros Lolo, tu retournes au standard et tu te démerdes avec Hervé, c'est tout. Moi, je te veux pas dans mes débats. Voilà, terminé. Alors, Je peux finir, GG. C'est Fistburger. Hein. Donc, on parlait des chips et du pot-corn. Alors que nous, en France, on reconnaît quand même, en France, on a une nourriture qui est vachement plus saine. Quand même, on mange des trucs, on mange du coucou, des merguez, des trucs comme ça, ça fait moins grossir, quoi. Hein? Bah, à New York, tu manges ça? Non, chez nous, en France, dans nos régions septentrionales. On mange différemment que si t'étais dans le Bronx ou à Harlem, quoi, c'est clair. Des tripes de porc, des gencives de porc. Voilà, des tripes à you, des trucs bien, des oreilles de cochon, plein de trucs, hein. Des pieds de cochon panés. Non, mais moi, je peux vous dire une chose que ce qu'ils mangent là-bas, je peux vous dire une chose que derrière, vous avez encore faim. C'est clair. Ah ouais? Ah ouais, mais c'est pas du tout la même nourriture que chez nous, déjà, pour commencer. Ouais, c'est quoi la différence, Gérard? Ah non, mais là-bas, c'est vraiment... c'est pas à dire que c'est un fake, mais... C'est dégueulasse, quoi. Mais là-bas, tout est neuf et tout est large, quoi. C'est un libre continent sans nuages. Non, mais même, je peux te dire une chose que là-bas, laisse tomber, c'est presque imbouffable, la bouffe, hein. Moi, j'ai mangé un truc là-bas sur place. On s'imagine pas. Je peux te dire une chose que. T'es allé là-bas. Ta gueule. Est-ce que t'as eu la tourista à cause de la nourriture locale là-bas? Non. Je pense que ce que tu veux dire. La tourista, c'est faire du tourisme. Mais là-bas, tout est sauvage, hein, Gérard. Non, mais là-bas, c'est vrai que par rapport à chez nous, c'est pire, hein, là-bas. Oui, mais tout est possible à notre âge. Bah oui, mais ça m'étonnerait, ma grande. Donc voilà. C'est un petit cordonnier. D'avoir la force et la foi. Alors, pourquoi... Ah, voilà là. Donc, pourquoi que les personnes obèses sont-elles mal vues par les gens? J'ai pas répondu à la question, là. Ah, dommage. Ah bah, attends. C'est Yann Sodo. Ah bah, c'est Yann. Bah oui, Yann, t'as oublié. Yann Sodo, là, je suis là. Hein. Bonsoir. Je me présente, je m'appelle Yann Sodo. Débile. Je voudrais bien participer. Mais Gérard. Il sort d'où, celui-là? Lequel? Bah, Yann Sodo, je suis là. Non, Yann Sodo, il est là depuis tout à l'heure. Je suis là depuis le début. Mais il est là depuis le début, Gérard. Des bêtises, enfin. Essaye de suivre. T'as de la merde dans les yeux, toi. Oh, faudra peut-être me mettre les fiches correctement. Hein. Mais arrête de boire, Gérard. Bah, attends, c'est bon avec ce que vous me payez à boire. Oh, ça va. Faut pas le dire. Ah, en fait, non, mais c'est vrai. Je voulais quand même remercier. Oh, ta gueule, toi, pétasse. Gérard, on n'insulte pas les fans, s'il te plaît. Donc, c'est pour toi que j'insulte d'abord. Je vais te remercier pour le taboulé que tu m'as payé ce soir. Voilà. J'avais oublié de faire... Lèche-cul. Merci de me foutre la honte, Gérard. Fayotte, lèche-cul. Ah bah, c'est normal. Là, c'est normal. Gérard. C'est normal. C'est normal, tout à l'heure, quand alors, je suis arrivé... Alors, ben, dis salut. Sans plus lui payer du Nyglandil. Tout à l'heure, elle m'a croisé, elle m'a demandé si j'avais mangé. Je lui ai dit non, donc c'est pour ça qu'elle m'a payé du taboulé. Tu ne voulais pas lui payer des chewing-gum à la menthe. Voilà. Une question de Landru qui demande s'il peut être considéré comme anorexique parce qu'il a bouffé le cul d'un obèse. Non, pas du tout. D'accord. Donc voilà. Par contre, t'as pensé à faire ma dédicace à ma copine? T'inquiète, Daisy. Ça arrête pas. Donc, faudrait qu'elle... Elle te remercie, elle te fait de gros bisous là où tu veux. Non, mais elle a pas une question à me répondre, à me poser, non? Non, pour l'instant, non. Bon, bah, de toute manière, ça viendra tout à l'heure. Donc voilà. Alors, merci. Alors, j'y jouais. Allô? Quoi? Allô? J'y jouais? J'y jouais, c'est moi, le pense-pendé là-haut. Putain, mais... Oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh là là, je pensais à une chose, là. Ouais. Faudrait peut-être qu'on pense dans 4 minutes à mettre une zikmu. Eh ben, elle est calée, hein, je t'attends, mon grand. Ben, la question, pourquoi les... Non, Gérard, attends, on y va dans 4 minutes, la question, donc tu fais celle-là. Attends, on va faire celle-là. Allez. Ouais. Pourquoi que les gens, les personnes obèses, sont-elles mal vues par les gens? Et on va demander à Fitchburger. Fitchburger, c'est une question de différence, non? C'est comment ça quand les gens sont différents, ils ont du mal à faire accepter. Pourquoi que les gens... Parce qu'ils sont différents des autres gens. Alors explique-toi un peu. Ils sont différents, précise. Ils sont pas pareils. C'est un synonyme en fait de différent, si tu veux. D'accord. Donc, ouais, toi, tueur. C'est bon, ça y est. J'ai pas fini. Donc en fait, si tu veux, ils ont des points qui font qu'ils sont pas pareils. C'est ça que ça veut dire. S'ils étaient pareils, ils auraient des similitudes. Tu peux l'écrire sur ton petit bout de papier. Ouais, c'est bon, va foutre-toi bien de ma gueule, alors maintenant. Voilà. Gérard a écrit similitudes. Non, mais c'est bon. Qu'on se marre un coup. Allez, Gérard. Vous gueulez, j'arrête le débat, c'est pas parce que Max. Ta gueule, t'as l'air fait une pute. Oh, merde, ma pute. Je vous préviens, c'est pas parce que Max est parti que vous allez me faire chier. Parce que sinon, moi, j'arrête dans 2 minutes. Ah non, sinon, ça va sentir mauvais, laisse tomber. Question de Landru qui demande pourquoi ce sont toujours les grosses qui sont obèses. Pose la question à Céline, elle va répondre. Mais t'as l'expérience déjà, elle en vient pas parler. C'est une grosse? Bah, je dis pas grosse, mais bien enveloppée, c'est tout. Voilà. T'as l'enculé, toi? T'as vu comment tu lui parles? Ta gueule, toi. Elle a du charme. Eh oh. D'accord? Sérieux, t'as vu comment tu lui parles? Ta gueule, c'est quoi ce manque de respect? Ta gueule! D'accord? Ouais, d'accord. Merci. Même pas peur. Elle s'en va, hein, bravo. Bien joué, Gérard. Elle s'en va. Gérard. Elle a dit que tu pouvais aller te faire enculer. Eh, Matt Watcher! Sans déconner, comment tu lui parles, t'es qu'un bâtard. Franchement, t'as vu comment... Et toi, t'es une grosse pute, hein, au revoir. C'est ta mère, la grosse pute, t'as vu comment tu parles à Céline? Attends, toi, je te chope en antenne. Attends, Gérard, mais reviens. Gérard, se diriger vers le téléphone. Il sait pas. Gérard, retourne au micro. Donne-moi la grosse pute, là. Allez, vas-y, Gérard. Attends, la grosse pute, là, de Wet Watcher. Allez, pas de nom de famille, d'abord. Alors, t'arrêtes. Eh, Wet Watcher, t'es une grosse salope, alors, au revoir. Non, un attends. Instant, si Céline pouvait revenir avec les feuilles, ça serait vachement sympa parce que je suis en galère au Gérard, standard. Allume ton micro déjà. Voilà. C'est simple. Ça va être simple, dans 10 minutes, le débat est clos. Non, c'est 2 heures, Gérard. Non. De toute manière, c'est pas vous qui allez me commander, d'accord? Si, je t'assure. Non, parce que Max est parti, c'est moi maintenant qui va commander. Ouais, c'est ça. D'accord? D'accord, on lui dira. Il y a une question de Pitbull qui dit faut rouler les grosses dans la farine pour savoir de quel côté elles mouillent. Ouais, c'est ça. Pitbull, il va se faire enculer, va voir si son chien il lui mord la queue. Voilà. Qui a pensé, cochon. Ouais, ouais. Alors, on va s'écouter. Attends, mais non, Gérard, pose ta question avant qu'on y aille. Un petit point net, non? Juste ouais. avant ça, Gérard. On a passé la barre des 10 000. On est à 10 916. Yes. Oh. C'est joli, non? C'est énorme. Bravo, reste calme. Kilo, ouais. Donc voilà. Alors, pourquoi les personnes obèses sont-elles mal vues par les gens? Et on se retrouve tout de suite après au 0825 08 5000. Et donc, on s'écoute Slim Fall de Jabaltou. À tout de suite. Ce soir, les débats de Gérard. Oh, celui qui a sa musique. Celui qui a sa musique derrière, arrête. L'émission la plus trash de la bande FM sur Fun Radio. Gérard, c'est quand tu veux, hein. Une fois, deux fois, voilà. Et voilà, donc suite et fin des débats. De toute manière, c'est les dernières questions et ça va être terminé parce que ça commence à m'énerver. Donc voilà. Donc alors, pour Céline, je m'excuse, voilà, terminé. Non, tu t'excuses. Je ne veux pas le savoir. Tu t'excuses c'est bien. Gérard, tu ne veux pas qu'on parle de toi, donc tu ne parles pas des autres. Voilà. Excuse-toi comme il faut. Dans ces cas-là, les gens n'ont pas à dire ce qui se passe. Gérard. Je ne te parle pas de toi, Gérard, alors ferme ta gueule. Bah, dans ces cas-là, la semaine prochaine, on changera d'équipe. Gérard. Tout à fait. Gérard. Excuse-toi pour ce que t'as dit. Tu dis juste m'excuse. Ça mérite des excuses. Terminé. C'est tout, ça fait clair, net et précis maintenant. Tu vas te faire insulter, bon, tant pis. De toute manière, tu vas mettre des jingles. Et si tu mets des jingles, je dis au revoir à tout le monde et c'est terminé. D'accord? Parce que maintenant, je sais qui c'est qui met les jingles. C'est toi. Ok? Tu me fatigues, enchaîne. Ouais, si je veux. C'est pas toi qui vas me commander. C'est pas parce que Max est pas là que tu as que commandé. Que les souris dansent. Hein? Que les souris dansent. Parce qu'à chaque fois, c'est toutes les semaines, c'est pareil. Alors maintenant, la semaine prochaine, ça va se passer autrement. On va garder que les mecs qui sont corrects sur le net. Parce qu'apparemment, sur le net, c'est pas eux qui font le bordel. À chaque fois, c'est chez vous et le standard. Donc, je vais changer d'équipe et c'est tout. Voilà. Donc, comme ça sera fait. Donc, suite et fin du débat. Donc, il est 35, ça tombe bien, à moins de 40, on arrêtera. Alors, pourquoi que les personnes obèses sont-elles mal vues par les gens? Oui, mal vu par les gens. Donc, alors, je sais même plus qui c'est qu'on a. Alors, on a Albran. Boulébile. Albran, ouais, bonsoir. Et je voudrais bien savoir, qu'est-ce qu'il fait encore là, le Boulébile? Allez, vas-y. Alors, Boulébile, je crois qu'on t'avait dit au revoir, il me semble. Ok, au revoir. Il n'y a pas Boulébile. Hop là. Hein. Ah bah si, apparemment. Il n'y a pas Boulébile. Bah il vient de le dire. Donc Yann. Non, Gérard. Ouais, Yann, je suis là, bonsoir. Watcher, non, elle n'est plus là, elle. Non. Donc qui c'est qui. Bon, alors donnez-moi. Il y a Fist. En fait, on va leur demander de se présenter, je pense que ça sera plus simple. Il y a Fist Burger, toujours. Fist. Ouais. Fist. Ouais, Fist de Brooklyn. Brooklyn, ouais, bien ouais. sûr. Salut, c'est Yann Sodo. Ouais. Salut, Yann. Salut. Salut. Et Albran? Albran, ouais. Albran? De Lille. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et normalement? Il y a G.I. Joe, normalement. Et voilà. G.I. Joe. Exact de Paris. Bonsoir. Voilà, G. Joe. Ok. Bonsoir, G.I. Joe. Bon, ok, bon, bah voilà. Donc, vous avez entendu la question? Oui. Oui. Donc, alors, je la répète quand même. Donc, pourquoi que les personnes obèses sont-elles mal vues par les gens? Donc, on va demander à Albran. Albran, excusez-moi. Dire en anglais, parce qu'elles sont plus grosses que les autres, et donc, étant plus grosses, elles se font plus remarquer. Mm-hmm. Et les gens, ils aiment pas les gros, c'est un peu des cons, mais bon, ils aiment pas les gros, quoi. Ouais, non, mais je comprends pas, mais pourquoi qu'elles sont. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi qu'elles sont plus grosses que les autres? Non, mais pourquoi qu'elles sont aussi mal vues que ça? Bah ouais. Je sais pas, faut demander aux gens qui les voient mal, toi. Quelle est ta réaction quand tu croises une grosse? Bah moi, personnellement, j'en vois, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si t'as écouté. Vaguement, ouais, j'étais hors antenne. Donc, attends, on va en discuter tout à l'heure. Continue. Non, mais attends, on va laisser parler quand même, on va laisser réagir et. Ne t'inquiète pas, Je vais répondre à ta question aussitôt après, d'accord? Bien volontiers. Donc Yann. Bah moi je trouve personnellement qu'elles sont pas trop mal vues les grosses. Je les trouve assez joviales, assez souriantes. Je trouve qu'elles sont dans le délire. Donc pour moi non, je les considère pas comme des personnes à part. Mm-hmm. Je vois en elles des femmes hein, avant tout. Ouais non mais ok. Ouais, voilà. Yann, donc c'est toi qui viens de répondre. Gijo. J'ai un bon point là. G.I. Joe, Gérard. J'ai un bon point. G.I. Joe. G.I. Joe. Alors moi, je pense très honnêtement que les grosses ne sont pas mal vues. C'est les gens qui les regardent ont peur de l'indifférence. Non, mais je parle pas. Attention, ouais. Pas uniquement que les femmes. Attention, hein, faut pas tout. Ouais. Je parle des deux sexes. Hein. Absolument. Attention, parce que là, ouais, faut pas faire allusion que sur une personne. Hein. Bah non. Je suis allusion sur les deux personnes. Hein. Oui, il y a pas de sexe faible. Non, il y a les deux. Il y a les deux, d'accord. C'est comme les animaux, hein. Un chien obèse, c'est pas très gros, c'est pas très beau, je veux dire. Donc tu peux très bien mal voir un chien obèse. Quoi. Ouais, mais ils sont sympas aussi, ils sont joviaux, ils sont. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les taper, ils ne courent pas après, quoi. Non, mais attendez, pas tous en même temps. C'est bon pour toi Moi, je pense qu'il y a quand même un phénomène qu'on néglige, c'est il y a peut-être un petit peu de jalousie aussi, quand même. Mais pour. Dans quel sens que tu veux dire ça? Dans ce sens-là, de nord-sud, il y a peut-être un petit peu de jalousie dans le sens où t'es envieux, qu'en fait, t'es envieux un petit peu. Attends, 5 minutes. Attendez 5 minutes, je demande une question au standard. J'ai 4 personnes, c'est ça? Oui, 4 personnes. Oui, tu sais compter, c'est bien. Juste une petite question de Gérard Mandebulot qui demande, Gérard, est-ce qu'on peut devenir un poivreau aux dents pourries après avoir fréquenté une obèse? Je vois pas le rapport. Moi, oui. Je vois pas. C'est vrai? C'est dans l'enfance, ça. C'est vrai. Nous, on a une petite réaction standard. Oui. On nous a dit que généralement, les gens obèses sont mieux vus, justement parce qu'ils sont plus imposants, donc on a plus de facilité à les voir. Mais c'est boule et bille. C'est pas faux. C'est vrai, ça, GG, non? De quoi? Qu'on les voit mieux parce qu'ils sont plus volumineux. Bah, on les voit pas plus mal, alors. C'est de la physique élémentaire. Apparemment, c'est ce que les réactions qu'on a au standard, donc moi... Mais je cautionne. Moi, je peux pas aller contre ce que les personnes nous disent au standard. Ouais, parce que moi, on m'a dit, tu mets une obèse ou un obèse derrière un arbre et un ou une anorexique, t'as plus de chances de voir l'obèse, donc elle est mieux vue. Ça, c'est vrai. Perso, Gérard, c'est Yann Sodo, tu préfères les grosses ou les maigres? Ah non, mais ça y est, c'est tout à l'heure. Il arrive. Non, c'est bon. Je vais pas m'éterniser sur ma vie privée. Vous en saurez plus en temps et en heure. Ah oui, j'ai entendu avec Christine. Hein. Ouais, tout à fait. Et après Christine, il y a eu. Vous en entendrez plus en temps et en heure. Ouais, GG. Il y aura une libre antenne sur Internet, de toute façon. Spécial Christine. Il y aura un historique de tes boudins, donc. Ça va chier, au hasard. Au hasard, Zidjo, au revoir. Désolé. Et voilà, manque de peau parce que c'était sa voix que j'avais entendue. Ouais. Ah, pas de chance. Hein. Fils, pour revenir à mon histoire de la jalousie là, avec les obèses, est-ce que toi, par exemple, tu disais tout à l'heure que toi, tu manges pas beaucoup. Par exemple, soir, t'avais juste mangé un petit taboulé. Est-ce que toi, t'es jaloux quand tu vois une personne obèse en te disant qu'elle mange bien, qu'elle va souvent au restaurant, que tu vois des trucs comme ça? Non, pas spécialement. De toute manière, chacun mange à sa faim. Hein. Ouais. Tu crois que chacun mange à sa faim dans ce bas monde? Ben, de toute manière, ça dépend des revenus qu'ils ont, c'est tout. Hein. Ouais, on va pas nous faire chier. Hein. Voilà. Hein. Donc, chacun. Ça dépend aussi de l'état des dents. Non, mais ça. Ouais, l'état des dents de la personne. Si la personne a les dents pourries, par exemple, les dents bien pourries. Comme certaines ici. Tu vois? GG, est-ce que tu peux être obèse si tu manges que de la purée ou de la soupe ou des trucs comme ça, justement? Non, quand même pas, parce que là. Je pense pas. Les sucettes au caca. Ouais. C'est ça qui vient de dire ça. Ah, c'est vrai que les sucettes, ça fait grossir, hein. Bah oui. Ça abîme les dents, hein. Ça ruine les chicots, quand même. Ça ruine les chicots, ouais. Gérard, tu peux parler, là. Non, Gérard. Ça s'est introduit dans la ligne, je sais pas comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui se passe, là? Il y a Monsieur Mazur, en fait. Qui est là. Bonsoir, Monsieur Mazur. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir, c'est Monsieur Mazur, à l'appareil. Allô, m'entendez-vous? Qu'est-ce qui est portable? Il y a un problème, là. Qui est portable? Ah, bien, écoutez, ce n'est pas c'est moi. C'est là-bas, Gérard. Retourne-toi, là. C'est même là-bas, je crois. Non. T'as pas un portable? Qui est un portable? Lève un bras, là. Je vais s'approcher de la base, monsieur. Allô, là. Du calme. Non, Gérard, du calme. C'est bon, il n'y a plus le portable. Voilà, ça commence à me gonfler, monsieur Mazur, je ne veux plus vous entendre. Mais attendez, je suis pour rien. Il jouillait dans son cul. Bonsoir, monsieur Mazur. Oui, bonsoir, chers amis, bonsoir. Vous allez bien? Oui, tout à fait. Je vous salue. Vous arrivez tard ce soir. Il crachait dans les yeux. On y va. Écoutez, oui, j'étais tout à fait occupé. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. D'ailleurs, monsieur Gérard... Monsieur Mazur ! Comment dire, je me permettrai de vous faire observer que je vous ai écouté un peu plus tôt et j'ai cru ouïr un imposteur, n'est-ce pas ? Quelqu'un qui se faisait passer pour ma personne. Monsieur Mazur, pour l'instant, c'est moi qui pose les questions et c'est moi qui dit qui prendra. Eh bien, absolument, monsieur Gérard. D'accord. Je vous écoute. Bien sûr, bien sûr. Alors maintenant, vous allez répondre aux questions et vous n'allez pas vous éterniser. Tout à fait. Parce que dans moins d'un quart d'heure, j'arrête. Parce que ça commence à me gonfler. On est sérieusement. Tout à fait, monsieur Gérard. Clair, net et précis. Absolument. C'est cela, oui. Tric. Question de Mad Max qui demande, est-ce que 110 en kilos valent mieux que 110 kilos? Je répondrai pas à cette question. Question de monsieur Bâtard. Question de monsieur de ta mère. On parle pas des mamans. Gérard, un point sur le net. On est à 12 916. De toute manière, c'est bien, ça. C'est une bonne moyenne. Hein. Ta moyenne est à 2. Non, la moyenne, c'était 2000. De manière, il est moins le quart. Donc, ça va être la fin du débat. Comme ça va être terminé. Non, Gérard, je t'assure que non. Poursuivez. Oh, tu vas encore morfler, toi, vas-y. C'est moi qui commande. Si Max, il écoute, il m'appelle sur la ligne directe, je dis j'arrête. C'est tout. J'arrête. Niquez des manouches. Voilà. Voilà, ça continue. Alors, c'est Pedro, donc. Ah, bah, non. Question. La question est claire, nette et précise. Donc, terminez le débat. Ah, conclusion. Non, il n'y a pas de conclusion. Non, il n'y a pas de conclusion. C'est trop tôt. Il y aura conclusion. Non, il y a un disque qui est là, il ne peut pas partir. Il y aura conclusion. Les bulles. Non, il y aura conclusion du débat. Question. Non, c'est allez, les auditeurs, demandez les questions. Non, c'est une question. Non, c'est une question de Carlos Amoal. Une question de Carlos Amoal qui demande est-ce que les cabines téléphoniques sont des portables pour obèses. Non, il est hors de question que je réponde sur des conneries. Terminé. Gérard, ressente le débat. Je ne répondrai pas à cette question. Terminé. Je te demande pas ça, je te demande de te recentrer sur le débat. Allez, de prendre en considération les centaines de milliers de personnes qui t'écoutent. Non, mais même. Moi, qui attendent ta réponse. Il est hors de question que je réponde à cette question qui ne vaut rien. Alors, pose une question, toi. Pose une bonne manière, question. C'est la dernière. Et ça sera tout. Voilà. Posez une bonne question. Allez. Ce sera la dernière. Gérard, il y a Max qui veut te parler de la téléphone. Viens, on va meubler, on va raconter les conneries. Je reviens, n'ayez crainte. Non, on n'a pas qu'il est pas. Il est parti où, là? Gérard se lève dans un costume. Il se lève. Tati. Il prend le téléphone. Ouais, Max? Ouais. Non, mais j'arrête, hein, parce que c'est le bordel. Je préfère te prévenir tout de suite, hein. On t'entend pas, Gérard, ça sert à rien de faire ça. Mais de toute manière, l'autre, il fait écouter toute la conversation à tout le monde, donc tu vois comment que ça se passe. Mais moi, de toute manière, Gérard, tu passes pas l'antenne. De débat. Donc, moi, je fais une question et je fais la conclusion. Oh mon Dieu, quelle odeur. L'autre, il recommence, tu vois. Là, il te met le haut-parleur, vas-y, tu vois. Alors, tu le reprends. Tu reprends Pedro. Là, regarde, ça y est, il l'a mis. Et en plus, il met le micro pour que tout le monde entende. Il y aura des avertissements pour tout le monde demain. Voilà, terminé. Attends, je le repasse, Pedro, parce qu'il est en train de se foutre de ta gueule. Max, t'es dur, hein. J'arrête. Je trouve ça dur et vachement crédible. Une question de Carlos à moi, là, vraiment. Est-ce que les obèses voulant participer au débat peuvent utiliser des téléphones cellulites? Il a pas entendu. Non, j'ai pas entendu, justement. Alors, une question de Carlos à moi, est-ce que les obèses voulant participer au débat de ce soir peuvent utiliser des téléphones cellulites? C'est-à-dire, cellulite, téléphone portable? Non. Des portables. Okay. Il est hors de question que les personnes passent avec des téléphones portables dans les débats. Et ça, c'est ce que j'ai horreur d'entendre. Et ça, je peux rien dire parce que apparemment, sur les trois quarts des auditeurs qu'on a eu, on a eu des auditeurs avec des portables. Qu'est-ce que tu te fous dans ton cul? N'est-ce pas au standard? Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, plus les gens vont et plus ils ont des portables. Ben ouais, mais le seul problème qu'il y a, c'est que avec un téléphone portable, on les entend pas, parce que les trois quarts du temps, on croit qu'ils nous entendent, et en fin de compte, comme les trois quarts du temps, ils n'ont pas de batterie, donc automatiquement, c'est le bordel. Je suis d'accord avec toi, Gérard. Les auditeurs, merci, vous restez, vous allez vous calmer. Est-ce que Merci. Question de monsieur Cousin. Est-ce qu'on peut considérer les poteaux de but comme des cotons-tiges pour obèses? Alors, au revoir à toi, Yann Sodo. Pourquoi? Merci. Voilà, terminé pour lui. Bouli Bill. Allez, petite question, là. Donc, c'est la dernière. Attends, on va voir. C'est pas vous qui commandez. D'accord. Oui, allez-y, monsieur. Ouais, c'est le chef, allez. Maintenant, non, tu me l'as vous qui commandez, monsieur. Monsieur Mazur, merci. Voilà. Donc, quand Céline aura terminé avec l'auditeur au standard, je vais y parler. Oui, on a une question au standard. Qu'est-ce qui est plus gros qu'un obèse? Est-ce qui est plus gros qu'un obèse? Bah, deux obèses. Bah, deux obèses, hein. Bah, merci. Bah, de toute manière, c'était pas une question, c'était une charade. Donc, Céline. Bravo! Ouais, charade. Céline. S'il te plaît, Céline. C'est bon, ça y est, c'est... Gérard, on va peut-être y retourner, là. Non, attends, tu permets? Il y a Gégé Ricane qui demande, Gérard, est-ce qu'on peut acheter une obésité sur Internet et en euros? Non. Non, merci. On peut pas acheter des gens sur Internet et en euros. Donc, voilà. Merci, Esteban. Donc, merci Pedro. Ah ben j'ai plus rien, c'est les auditeurs. Tu peux me couper ton micro. Non mais je te demandais, merci. Donc alors, je voulais dire, pour ce qui s'était passé tout à l'heure avec Céline, s'il te plaît, tu m'écoutes. Pour ce qui s'était passé pour tout à l'heure, je te présente toutes mes excuses. Merci. Bravo, Gérard. Bravo. Voilà. Quel homme. Mais un grand homme. Je préfère dire que je ne veux plus que ça se reproduise dans les débats. On est bien d'accord. Non, mais tu sais qu'elle allait pleurer. Mais... Non mais attends. Pedro, pour l'instant, c'est pas toi qui commande dans mes débats. Mais c'est vrai, mais elle allait pleurer, ouais, je dis. De toute manière, c'est moi qui commande. T'as été méchant. J'ai préparé, je m'excuse, et c'est tout. Ça y est. L'incident est clos. Point final. Non, c'est la preuve, Elephant Man a un cœur. Voilà. Dire, c'est parce que tout gentil que je suis, mais tout con que je peux être. N'est-ce pas, Pedro? C'est évident. Ouais. C'est ce que t'as dit, c'est la plus grande vérité depuis tous tes débats. Surtout la fin. C'est le premier truc intelligent que t'as dit. On va bien se mettre dans la tête que... Faut y aller là, Gérard. Ouais, ben, voilà. Ouais. Donc, on va terminer là-dessus. Voilà. Allez, Gérard. Alors, les personnes obèses vont-elles plus souvent au restaurant? On en a discuté assez tout à l'heure, des restaurants... Voilà. Ça, c'est une question, et je pense que... Olbran. Pete Burger, Monsieur Mazur. Brun. Oui, oui, je suis là. Bah oui. Monsieur Mazur. Oui, je suis là, tout à fait. Merci de répondre quand je demande si vous êtes là. Parce que, absolument, c'est exactement. Ça y est, je pose la question, c'est la dernière. Bien sûr. Les employeurs ont-ils le droit de refuser une personne obèse dans leur établissement? On va demander à Monsieur Mazur. Et pas trop long, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, je dirais... Et celui qui s'amuse avec le réveil, arrête! Oui, tout à fait. Écoutez, je dirais que non, au regard de la loi, on n'a pas le droit de refuser une personne en fonction, n'est-ce pas, de son handicap physique. Ouais, mais dans quel sens alors? Dans quel sens? Eh bien... Oui, écoutez, j'écoute. Je vous dirais, bien sûr, je vous dirais que, par exemple, l'obésité peut être considérée dans certains cas comme un handicap physique. Mm-hmm. Ne plus passer à travers certaines largeurs de portes. Mm-hmm. Parce qu'il faut savoir, bien entendu, que nombre d'établissements, bien malheureusement, ne sont pas équipés pour recevoir les personnes qui ont une surcharge pondérale, n'est-ce pas? D'accord. Fitzburger? En même temps, je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Mazur. Mm-hmm. En même temps, le chef d'entreprise a tous les pouvoirs au sein de son établissement, quand même. Ouais, d'accord. Donc, tu connais le proverbe « Pierre qui roule n'amasse pas mousse », ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, chacun, tu vois, il fait ce qu'il veut, quoi. Mm-hmm. Je suis d'accord avec Monsieur Mazur, mais c'est quand même à nuancer, tu vois. Mm-hmm. Parce que voilà, il y a aussi ce côté-là qu'il faut prendre en compte. Je veux dire, faut pas le négliger, quoi. Mm-hmm. Et je pense que t'es d'accord avec moi, quoi. T'es d'accord avec moi, non? C'est dans le studio d'à côté, ça. Bon, ça t'empêche pas d'être d'accord avec moi. Ouais, mais moi, je suis pas trop d'accord avec les employeurs, malheureusement. Ouais, non, mais ça... Bon. On va pas rentrer là-dedans. Hein. Non, mais de toute manière, c'est mon point de vue, c'est tout. Hein. Ouais, moi, Holbrand, pour finir. Eh bien, en fait, les employeurs, ils ont pas le droit de faire de la discrimination. Mmh. Comme similitude, c'est dur à dire. Mmh. En fait, on peut porter plainte... si on a été victime de discrimination. Oui, c'est vrai. Bon, il faut aussi... Attends, 5 minutes, Holbrun, je crois qu'il y a une question importante. Mais je suis sûr qu'elle est super importante en plus. Une question internet intéressante ou pas? Non, on nous dit juste que les obèses roulent mieux que les gens de poids plus acceptable. Ouais. Donc pas très intéressante. Sinon, on est 12. Là, le coup de maintien. Ah, oh là. Hein? 12 000, pardon. Ah bon, 12. Je suis folle, c'est ça. Il y a des chaleurs. 12 personnes sur internet, ça me ressemble. Et puis donc, pour terminer, Holbrun, attends, le magicien. Ok. Pour finir. Bonjour Gérard. Bonsoir. Le magicien. Oui, c'est moi. Gérard. Oh là. Gérard, c'est le magicien. Gérard. Hey, tu te fous de ma gueule là? Pas du tout. Ah, y a un blanc. Je suis une personne de petite taille obèse, Gérard. Ah, tu cumules toi. Bon, hey, tu vas demander à Céline comment qu'on participe dans mes débats, ouais. D'accord? Je suis debout, Gérard. Ouais, monsieur bah, Gérard, pourrais-je me permettre de vous poser une question, s'il vous plaît? Ne s'agirait-il pas de votre. Je suis debout. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, attends, on va les mettre en attente deux secondes, hein. Voilà. Bon, Gérard, tu voulais peut-être dire quelque chose? Non, je voulais que Holbrun a terminé, puis le magicien lui dit au revoir. Bon, bah là. Je suis debout, Gérard. Voilà. Au revoir, le magicien. On lui dit, bah ça y est, on lui a dit au revoir, je crois, le magicien. Donc, Holbrun, pour finir voilà. La question. En fait, je voulais terminer en disant que. Attends, bah, hop. Voilà, c'est géré. Vas-y, ouais, Holbrun. Vas-y, ma chérie. Ouais, je voulais terminer en disant qu'il y a certaines professions où il faut quand même être assez lucide. Je veux dire, si tu fais 120 kilos et que tu présentes pour une place d'hôtesse de l'air, on ne te prendra pas, quoi. Ouais. Bah ouais, mais ça, de toute manière, on en a parlé tout à l'heure, je crois, dans la non. première. Tout à l'heure, on a parlé des gros qui prenaient l'avion. Là, on parle des hôtesses de l'air obèses et ça n'a rien à voir. Ouais, mais regarde. Mais elle, c'est parce qu'elle peut faire passer entre les allées. GG. Ça n'a rien à voir. Pedro. On peut savoir qui c'est qui s'amuse à mettre les infos? Les infos de? Les infos de quoi? Bah, je sais pas, j'ai des retours d'infos, ça commence à m'énerver. T'entends des voix, toi. Alors donc, Anapine pour finir, et on va faire la conclusion du débat. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir l'équipe, c'est Anapine. J'appelle de Saint-Quentard en Vaseline. Bonsoir. 118. Que la force soit avec toi, hein, quand même. Yes. Tu réponds quand tu veux? La question, là, j'étais les employeurs ont-ils le droit de refuser une personne obèse dans l'établissement? Les informations dans les oreilles, ça suffit! C'est quoi, c'est RMC, c'est quoi? Alpine! Ouais, Alpine. Donc, moi, je dis que non, les employeurs doivent embaucher, mais doivent pas faire de discrimination selon le poids, sauf dans ton cul. Ni le physique. Monsieur Mazur, restez poli quand même. Ouais, écoutez, je n'ai rien dit. Mais c'est vrai que ce soit Monsieur Mazur qui dit ça. Hein. Ah. Donc, alors moi, je vais répondre à la question. Ouais. Tu vas foutre ton cul, la question. Alpine. Ah bah non. Bah non plus, hein. Attention à ce que vous dites. De manière, c'est fini, alors c'est simple. Ça, c'est question. Drôle, une question d'Anakin Skywalker. Attention. Qui demande est-ce qu'un gros steward peut être considéré comme un obèse de l'air? Oui, parce que justement, c'est ce que Holbrun disait, des personnes qui sont obèses, qui travaillent comme hôtesse de l'air ou comme steward, je sais pas comment qu'ils font pour... Hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air, connard. Hôtesse de l'air, c'est du bacon. Et ta mère, c'est quoi? Arrête de parler de ma mère, on va parler de la tienne, ça va mal finir. Alors, au revoir. Allez, hop, Alpine. J'ai débarqué, j'ai claqué ta gueule, toi, ça va mal se passer, hein. Allez, dis bien au revoir, Céline. Je te jure, je t'arrache ton dernier chicot. Je te prends, je te fais. Pidgeir, au revoir. Ah, t'as laissé ouvrir des bouches. Pour moi, c'est vie, tu vas pas comprendre. Pidgeir, au revoir. Voilà, donc, d'ailleurs, on va lui dire au revoir. On va lui dire au revoir. Donc voilà, donc la question. Ouais, bah, Pidgeir, j'ai répondu. T'as répondu. Pidgeir, je veux ton dernier chicot. Je fais la collection de fossiles, moi. Et Anapin, je t'ai dit au revoir. Ah, non plus, hein. Moi, je suis là. Moi, je squatte. Laisse tomber, je suis bien. Bon, encore, ouais. Gérard, t'as une dent qui bave. Donc, c'est la fin du débat. Comme mais ça, non, c'est ça, pas la fin. C'est la fin du débat. Ça arrivera la semaine prochaine. Gérard, t'as une dent qui bave. C'est la fin du débat. Il est moins 5, t'as déjà fait ça. Non, c'est la fin du débat. Je fais la conclusion et c'est tout. On est attentif, monsieur Mazur, il a fait c'est terminé. Il a fait 3000 km, monsieur Mazur, pour venir nous parler. Oui, bonsoir, c'est monsieur Mazur, à l'appareil. C'est Bill et Boule. Le débat est clos. Ah non. Allez, pose ta question. Le débat est clos. Pose ta question. Ta question, on perd du temps, là. Je suis debout. Il y a hors de question que je termine moi comme ça. Il faut faire une question, là. Non. Débat est clos. C'est dernière, là. C'est pas ta dernière. Le débat est clos. Bon, calmez-vous. Gérard, on va conclure. Les auditeurs, on va conclure. Allez, on y Anapine. Va. Anakin Skywalker qui dit comme quoi la conclusion du débat serait comme quoi un homme maigre peut faire un débat lourd. Eh ben, c'est bien. Exactement. Non, mais c'est Anakin de la radio que j'ai demandé. Anapine. Ouais. Bah alors, je voulais revenir un petit peu sur l'incident de tout à l'heure. Bon, t'as fait tes excuses, donc c'est bien, Gérard. Mais il faudrait pas profiter trop de ton pouvoir pour faire des choses incohérentes. Et sinon, j'ai trouvé que c'était un bon débat. On a parlé avec respect des gens obèses et je trouve ça bien. Et je voulais saluer tout le monde et une bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonsoir. Bye. Roger Sussard. Merci. Alors Roger Sussard, j'arrive pour la conclusion. Hein. Mmh. Bah, j'ai écouté ce débat avec attention, c'était un bon débat. J'ai retenu, j'ai noté une phrase où tu disais tout gentil je peux être, tout con je suis. Je suis d'accord avec toi, je pense que t'es plus que tu peux être en fait. Et puis voilà, et puis bah ton secret pour la forme, parce que c'est vrai que toi t'es pas épais quand même, c'est un petit verre solitaire et je sais que ça marche bien parce que voilà. Ok. Voilà. Une question de Carlos Samuel qui demande est-ce qu'on surfe deux fois plus vite quand une obèse mouille sur le net ? Non. Albran ! Ok. Bah écoute, moi j'ai pas trouvé que c'était un bon débat, t'as gueulé, t'as posé des questions pourrites, et en plus j'ai cru les reconnaître, je crois que tu les avais déjà posées, donc je suis franchement déçue là de me coucher si tard pour si peu, donc voilà, je te dis. Alors, Olbran, vas-y, insulte ma mère, vas-y. Non, mais tu peux, tu peux me dire quand le débat a été fait. Oh, t'as fait le même sur les régimes, il doit y avoir 2 ans, t'as la fait boulimie. Comme la boulimie, ouais, la boulimie, ouais. Alors, je peux vous dire une chose. Par contre, à l'époque, t'insultais pas notre mère, à l'époque. Eh, hey, je peux vous dire une chose. Je peux prévenir. Je peux dire une chose. Mm-hmm. Que ça m'étonnerait que ça fait 2 ou 3 ans que j'ai fait des débats comme ça. Parce que ça fait plus de 3 ans que je n'étais plus avec Max. Donc, alors, vous vous trompez. Et ça, c'est vrai. Voilà, terminé. Monsieur Mazur, pour finir. Eh bien, écoutez, je n'ai qu'une chose à déplorer, monsieur Gérard, n'est-ce pas? C'est d'avoir eu autant de difficultés, pour arriver au standard, il faut comprendre que je suis une personne très très occupée. Oui. Albran, c'est terminé. Je regrette d'avoir été voir les filles ce soir et de n'avoir pu participer. C'est bon, c'est terminé. Attendez, Monsieur Mazur, attendez. Bien avant. Gérard, je vais t'expliquer un truc. Quand quelqu'un parle, il faut arrêter de le couper, il faut le laisser terminer. Non, mais okay, j'avais dit à Albran de terminer. Donc, Monsieur Mazur va conclure. Donc, Monsieur Mazur, pour finir. Oui, donc je disais bien entendu que n'ayant malheureusement pas pu écouter le débat dans sa totalité, n'est-ce pas, ce que je déplore en premier lieu, car je le répète, j'étais bien occupé à aller voir des filles de joie qui me procuraient quelques plaisirs sensuels, eh bien, je dirais que ce débat, n'est-ce pas, était des plus intéressants, parfaitement maîtrisé, une fois de plus, par votre talent, votre verve, n'est-ce pas? Et Dieu sait que vous en avez une petite de verve, mais en tout cas, bravo. Voilà. Merci, monsieur Mazur. Alors, bien entendu, je poursuivrai en disant que l'obésité est un vrai problème de société. D'accord. Problème de société, n'est-ce pas, qui... Monsieur Mazur, au revoir. Non, mais c'est un problème de société qu'il faut soulever. Oui, Gérard. Oui, Laisse finir. D'après ce que j'entends, bien entendu, ce ne sont que des suppositions vécues avec une personne, n'est-ce pas, qui était victime de surcharge pondérale. Mais tu supputes. Non mais va plus loin parce que ça intéresse Gérard. Bien entendu. Ça intéresse Gérard. Vas-y. Continue. Bonjour, n'est-ce pas, bien entendu. Alors, un problème de société qui malheureusement est beaucoup moins évoqué dans les journaux télévisés que par exemple l'insécurité. Les personnes âgées, y en a-t-il des obèses, y en a-t-il des maigres? Eh bien, c'est l'éternel problème que se pose le genre humain tout au long de ce siècle, monsieur. Monsieur Mazur, au revoir. Le siècle de l'internet, Monsieur Mazur, le siècle du portable. Monsieur Mazur. Bon, ça y est, ouais. Pardon. Donc, conclusion de l'internet avec le sondage. Alors, il y a beaucoup de gens, 97%, demandent quand est-ce que tu fais enfin un débat sur les obèses. Non, mais ils ont qu'à s'ouvrir les neurones, je viens de le faire. Je crois que Monsieur Mazur a quelque chose à rajouter, attends. Non, Monsieur Mazur. Oui, tout à fait. Donc, je vous dis bien entendu que l'obésité est en ta... fondement même dans notre... Non, mais c'est vrai. Ça suffit! Faut pas couper les gens, quand même. Ça suffit, maintenant! Ouais. N'en profite pas! Ouais, allez. Monsieur Mazur, au revoir! Bah, j'en parle. Est-ce que je peux poser une question sur qui tu sais? On a une réaction standard. On nous dit, si tu fais intervenir des gens, t'as le monsieur Mazur. Qu'est-ce que tu fais? Tu les mets tous à l'antenne, là. Arrête. C'est, bon, putain, c'est pour qu'ils réagissent. Arrête, Gérard. Gérard, il appuie sur... Ah, une question sur Sandy. Ouais, vous attendiez toi. Je dis tout le monde au revoir. Mais finis le débat, t'as pas conclu. C'est terminé. Les gens demandent quand est-ce que commence le débat sur les obèses. Bon, allez hop, terminé. De toute manière, il n'y a pas eu de débat sur les obèses. Max a prévenu que demain, il y aura une réunion et je viendrai pour la faire. Réunion au sommet, hein. Donc voilà, terminé. Bon, Gérard, je t'ai donné le titre de la chanson. T'as pas conclu, par contre, je crois. Hein. Conclusion, de toute manière, c'est à chaque fois, c'est toutes les semaines, c'est pareil. Vous m'avez saccagé le débat. On avait terminé. Une question sur Sandy, je peux pas la poser. Non, il est interdit. Il demandait si elle s'appelle Athènes parce que c'est la capitale de la Grèce. Mais bon, c'est tant mieux. Bah, il garde sa conclusion. Il a pas Landru. On n'a pas Mazur. Non, c'est terminé. Si, je crois, regarde, attends. Non, mais c'est bon, c'est terminé. On termine combien sur le net? Eh ben, on termine à cause de tes énervements et les gens attendaient enfin un débat sur l'obésité. Il n'a pas eu lieu ce soir. Bah, du coup, on est à 812. Ouais, c'est ça. C'est ça. Je vais te croire. Bah, regarde, hein. Eh. Non, non, mais de manière. Tu crois qu'il y a beaucoup pas. De monde? Non, non, mais j'y crois plus. Allez, hop, terminé. Donc, voilà, c'est la conclusion. Donc, là, vous allez retrouver Lucky pour la nuit, Ah, et puis je crois qu'il y a quelqu'un qui veut dire un mot. Non, non, attends. 8120. Sarcutage en bénol de l'hypo, sanction. Au revoir, bonne nuit à tous!